Salut. Comme tous les dimanches, Lost in Space, votre émission spéciale rock, punk, musiques expérimentales. Un peu plus expérimentale d'ailleurs aujourd'hui, car notre fil rouge va être un splendide groupe de synth-pop ou minimal wave, ça dépend comment on l'appelle, qui est Nexda, qui a officié en fait en Hollande dans les années. Fin des années 70, début des années 80, et qui va nous servir de fil rouge pour une sélection qui va être assez quand même électronique, mais dans le vieux sens de l'électronique, pas de techno ou d'électro actuel, mais des choses un peu aux confins de la new wave, de la musique industrielle, et c'est parti donc avec Nexda pour plus de 2 heures. atheistic people. They have new value, mutated chip, many flies. Nelson at Trafalgar Square, Napoleon's in Paris, dear. Nobody say I have a new friend. Why should I stay, yeah? How is it meant, yeah? Jaded people, cozy people, charming people, masochistic walking along, talking a lot, sniffing coke, you're in fashion. Are you able to pen even light as you can pen? You are nothing, you are nothing, you are nothing to me at all. You are nothing, you are nothing. Ce que fait la littérature dans la langue apparaît mieux. Comme dit Proust, elle y trace précisément une sorte de langue étrangère qui n'est pas une autre langue ni un patois retrouvé, mais un devenir autre de la langue, une minoration de cette langue majeure, un délire qui l'emporte, une ligne de sorcière qui s'échappe du système dominant. Kafka fait dire aux champions de nage « Je parle la même langue que vous et pourtant je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. » Création syntaxique, style, tel est ce devenir de la langue. Il n'y a pas de création de mots, il n'y a pas de néologisme qui vaille, en dehors des effets de syntaxe dans lesquels il se développe. Si bien que la littérature présente déjà deux aspects dans la mesure où elle opère une décomposition ou une destruction de la langue maternelle, mais aussi l'invention d'une nouvelle langue dans la langue par création de syntaxe. La seule manière de défendre la langue, c'est de l'attaquer. Chaque écrivain est obligé de se faire sa langue. On dirait que la langue est prise d'un délire qui la fait précisément sortir de ses propres sillons. Quant au troisième aspect, il vient de ce qu'une langue étrangère n'est pas creusée dans la langue même sans que tout le langage à son tour ne bascule, ne soit porté à une limite, à un dehors ou un envers consistant en vision et audition, qui ne sont plus d'aucune langue. Ces visions ne sont pas des fantasmes, mais de véritables idées que l'écrivain voit et entend dans les interstices du langage, dans les écarts de langage. Ce ne sont pas des interruptions du processus, mais des haltes qui en font partie, comme une éternité qui ne peut être révélée que dans le devenir, un paysage qui n'apparaît que dans le mouvement. Elles ne sont pas en dehors du langage, elles en sont le dehors. L'écrivain, comme voyant et entendant, but de la littérature, c'est le passage de la vie dans le langage qui constitue les idées. I'm gonna stay here 'cause I've got friends here and I like.

Au bout d'une semaine, j'étais, je crois, le moins avancé de tous, le plus désespérément noyé, au moment d'attaquer la réunion clandestine qui se tenait dans la yourte de Nirin, dans une prairie sauvage, près de la grotte aux furtifs. Tous les membres de la cellule CRIF étaient là, assis en tailleur autour d'un immense plateau de bois, posé à fleur de sol et couvert de signes en braille que les huit aveugles faisaient tourner de temps à autre, afin d'en caresser la surface. Tout essayer, tout retourner, sans cesse, en tout sens, tenter les méthodes intuitives, les jetés aléatoires de lettres, la nomomancie, les tirages, chercher la poésie, le flot sans conscience, étaient revenus au simple, au sobre, design soustractif, littérature enfantine, soleil de la lettre. Mon cahier saignait de palimpseste, il suppurait de ratures. Des larmes d'illumination subite, d'effondrement, des larmes de rage une fois, tachées d'encre, diluées presque toutes mes pages. Et au moment de choisir, au moment d'une sorte d'élection ou de synthèse des phrases les plus crédibles dans ce maquis, les plus profondément possibles, issues de l'esprit de Tichka, disant sa joie native, sa légèreté de chat neuf, je ne trouvais plus rien qui tienne debout dans mes listes, qui soit à la hauteur d'un plausible, fût-il fragile. Sar a tout de suite senti dans quel état j'arrivais à la yourte et elle m'a pris dans ses bras. J'avais l'impression, à l'instant, d'être Tichka et de pouvoir me blottir absolument contre elle. Plus penser, lâcher prise. Ne t'inquiète pas, personne n'a la solution, Lorca. C'est le collectif qui la fera émerger. Il faut se faire confiance. Saskia ouvrit les restitutions à sa façon pragmatique et positive. Elle exposa sa conviction d'un dépli court et s'attacha au lien, crucial pour elle et Tony, entre le glyphe des trois ondes placé en triangle et les lettres inscrites. Hochant la tête, notre cénacle d'aveugle effleura tour à tour le glyphe regravé par Tony sur la table en rotation continue. Saskia postula que Ta se développait en tarse, c'est-à-dire corde, en persan, et que les ondes étaient un sonogramme représentant le frisson de Tishka. Pour elle, il n'y avait pas de message, pas de lieu de rendez-vous. Seulement, la signature d'un frisson sur le mur qui disait la nouvelle identité hybride de Tishka, sa mutation furtive, fière et furtive. Son intuition était qu'en transposant le frisson en musique, a priori sur un centour, c'est une sorte de sitar, et en le jouant dans un site émotionnellement chargé pour Sar, Tishka et moi, nous trois à la fois, Tishka serait irrésistiblement attirée et viendrait d'elle-même à nous. Tellement habitée elle était, Saskia, par ce qu'elle disait, que j'eus le sentiment que la vérité venait de crever les nuages. Toute l'assemblée, c'était sensible, était sous le charme de l'hypothèse. Lovely. Lovely. Lovely. Am I gonna be enough for you for a while? Am I gonna be enough for you for a while? Björn le Finlandais, avec ses cheveux blonds filasses et son air de sylphe diaphane, prit ensuite la parole. Je le sentis ébranlé par l'hypothèse Saskia, tant ce tard vibrait proche du tas. Écrit, pouvait raisonnablement être issu d'une enfant de 6 ans s'initiant au Swikeng. Lui assuma ses mantras, les égrenant sans pathos, les justifiant chacun. Il s'attarda sur un sur tous, tous sur un, puis sur... Tu nouas, nous nouons, en montrant que le passage du tu au nous signifiait la métamorphose de Tishka, d'une sensation individuelle de soi reliée à ses parents, à une perception collective de son corps qui était la sienne désormais. Pas de message pour lui non plus, seulement une prise de conscience, un éveil exprimé sur le mur. On me raconte la chose suivante. Deux amies entrent dans la boutique Démonia, Cité Jolie, c'est à côté de chez moi. Elles voient le vendeur qui est un pote, il a une super grosse marque bizarre sur le front. Elles lui demandent « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Le type répond « Bah, j'ai voulu essayer un god ventouse. » Nach Haus. Thank you. Crook of your heart. c'est de pire en pire. Le dimanche, voilà qu'il y a un Franprix ouvert presque toute la journée juste derrière. Sans doute la proximité du Père Lachaise, mais pour le picard de la ZAC de Compiègne, je ne vois pas l'excuse. Vous avez vu que c'est cette ordure de Javier Solana qui représente l'Europe au pourparlers palestino-israélien ? Mais homme moderne, tu fais quoi au TPI ? Il faut lancer un mandat international contre Javier Solana et je ne veux pas le savoir qu'on est dimanche et que le TPI est fermé. My muon, automaty, jumping, charm, in a place, in a place, in a place. My color, my race, humanity, globe, in a place. My line map, my bank mat, my globe. Excite me, excite me, excite me, excite me. My society, mores, my sex face, pores, the tracks of my veins, around, a frame, my excretions, magnetics, kinetics, and bundles, the energies, effigies, see through me's, alter E, excite me. Railway lines, ley lines, wave machines, waving trees, my philosophies. Holy greens, canticles, holy greeds, my tentacles, tenterhooks, opiates, spectacles, excite me, excite me, excite me, excite me. Pour expliquer cette complémentarité, suffit-il de dire que le Christ avait personnellement négligé l'âme collective et lui avait laissé le champ libre? Ou bien y a-t-il une raison plus profonde, plus abominable? Lawrence se lance dans une affaire complexe. Il lui semble que la raison du retournement, de la défiguration, ne dépend pas d'une simple négligence, mais qu'elle doit être cherchée déjà dans l'amour du Christ, dans la façon qu'il avait d'aimer. Et que c'est cela qui était déjà horrible, la façon dont le Christ aimait. C'est cela qui allait permettre la substitution d'une religion de pouvoir à la religion d'amour. Il y avait dans l'amour du Christ une sorte d'identification abstraite, ou pire encore, une ardeur de donner sans rien prendre. Le Christ ne voulait pas répondre à l'attente de ses disciples, et pourtant, il ne voulait rien garder, pas même la part inviolable de lui-même. Il avait quelque chose de suicidaire. Lawrence écrit un roman, L'homme qui était mort, peu avant son texte sur l'Apocalypse. Il imagine le Christ ressuscité, il monte des clous et trop vite, mais aussi écœuré, se disant plus jamais ça. Thank you. Retrouvé par Madeleine qui veut tout lui donner, il perçoit dans l'œil de la femme une petite lueur de triomphe, dans sa voix un accent de triomphe où il se reconnaît lui-même. Or, c'est la même lueur, le même accent que chez ceux qui prennent sans donner. Dans l'ardeur du Christ et dans la cupidité chrétienne, dans la religion d'amour et la religion de pouvoir, il y a la même fatalité. J'ai donné plus que je n'ai pris, et cela aussi est misère et vanité. Ce n'est encore qu'une autre mort. Il savait maintenant que le corps ressuscite pour donner et pour prendre et pour donner, sans cupidité. Dans toute son œuvre, Lawrence a tendu vers cette tâche, diagnostiquer, traquer la petite lueur mauvaise partout où elle se trouve, chez ceux qui prennent sans donner, ou bien qui donnent sans prendre, Jean de Patmos et Christ. Entre le Christ, Saint Paul et Jean de Patmos, la chaîne se referme. Le Christ, aristocrate, artiste de l'âme individuelle, et qui veut donner cette âme. Jean de Patmos, l'ouvrier, le mineur, qui revendique l'âme collective et qui veut tout prendre. Et Saint Paul, pour fermer le lien, une sorte d'aristocrate allant vers le peuple, une sorte de Lénine qui va donner à l'âme collective une organisation. Il va faire une oligarchie des martyrs. Il donne au Christ des buts et des moyens à l'Apocalypse. Ne fallait-il pas tout cela pour former le système du jugement ? Suicide individuel et suicide de masse avec auto-glorification de tous côtés. Mort, mort, tel est le seul jugement. Thank you. tout attaque cocaïna. Cocaïna vitamina. Rastas mocha the ganja. We taste nifa the cocaïna. Bakati de Foliela Jiggley, Jiggley, Jiggley, Jiggley. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.